se penche pour examiner derrière son voisin, le sien plus grandement aux autres. Il se penche pour examiner derrière son voisin, le sien plus grandement aux autres. Il se penche pour examiner derrière son voisin, le sien plus grandement aux autres. Il se penche pour examiner derrière son voisin, le sien plus grandement aux autres. Info et intox, à grand renfort de presse qui pollent. On avale des couleuvres qui mettraient en doute un mot. Je veux rester hip-hop, mais leur format menace. Mes œuvres, ils m'appellent frère. Moi, je les traite de père de masse. Ces mains, ils obéissent au doigt à l'œil des scuds qui marchent. Ils bradent les mœurs, mais leurs feuilles gardent des traces de leur sexe. Morceau à qui pour un fuite, ils ont tourné le dos. Je suis pas un arriviste, je sais comment ça se passe dans ce sale pays. Beaucoup ont l'humilité en bypass. Le cœur et l'esprit dans les strass. Manifestement pas bien dans leur basque. Kenny West, encore un ricane merde qui se prend pour le Christ. Élu pour un clash mondial, le retour de bon Simsi Pilate alias G-Unit. Au nom du bif, amène le fric que les moutons suivent. En France on kiffe l'avant-tardise. On s'habillera kiff kiff pour avoir le style. Pompe les mimiques, le vocabulaire stupide. Attends le prochain disque en guise de mise à jour. Du parfait disciple, la parfaite bêtise. Du parfait caïd qui parfait son beat. De réputé dire, entre pute et bite. Entre prod et beat, tu trouves des gimmicks. Son contenu bien critique. À l'exception près, y'a que les wax qui font du gangsta rap. La maturité, stand by. Les neurones reliés à toutes les vanités. Moi, j'me sens. Les cerveaux se remplis d'électricité. J'ai envie doit être sur tes réalisés. Pour ouais. Bon, étiqueté, on voudrait tout acheter. Les neurones reliés à toutes les vanités. Moi, les cerveaux sont remplis d'électricité. Chaque envie doit être sur tes réalisés. Ouais. Bon, étiqueté, qui se prétend civilisé. Moi, pas toi. Le passé jalousie, ne veut pas qu'on l'oublie. Ses souvenirs nous hantent, sa maison nous a pris d'histoires intrigantes. On peut être face à lui que si on s'inarmistice. Ce qui veut dire assimiler les expériences incomprises. Alors le présent peut rire, vive son éternité divine. Fleurit de mille et un passage à venir. Car si son site est le terrain du sage, l'avenir en est susceptible. Il suscite notre attention par pur égocentrisme. Par pur ludisme, il est changeant. À qui veut le voir, il innove ses plans. Il n'aime pas qu'on le regarde et c'est paradoxal. Vu son dévouement nous tirer du présent. Son tempérament et mouvement, pas étonnant donc qu'il refuse d'être transparent. Le prévoir est un pouvoir trop grand. Le prévoir est un pouvoir si grand. Puisqu'il influence le présent et pourrait faire taire le passé facilement. L'avenir demande de l'égard puisqu'il n'est point le fruit du hasard. Sa clé est maintenant, hier c'est trop tôt, demain c'est trop tard. Tout est bon pour pallier le temps, on en reste prisonnier. On ne conçoit rien sans, comme le poisson dans l'eau. Ne voit pas plus loin que son élément. On vit dedans en étant conscient qu'on peut mourir à tout moment. Les neurones reliés à toutes les vanités. Moi, j'me sens. Les cerveaux se remplis d'électricité. Chaque envie doit être sur tes réalisés. Ouais. Bon, c'est étiqueté, on voudrait tout acheter. Les neurones reliés à toutes les vanités. Moi, j'me sens. Les cerveaux se remplis d'électricité. Chaque envie doit être sur tes réalisés. Ouais. Bon, c'est étiqueté, qui se prétend civilisé. Moi, pas toi. J'ai toujours aimé entendre parler des anciens. Quand une occasion se présentait, je la ratais jamais. On peut pas s'empêcher de se comparer aux anciens. On peut pas s'empêcher de se demander comment ils auraient fait de nos jours.